Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la célèbre prison d'Alcatraz. Si vous ne vous conformez pas aux règles de la société, on vous envoie en prison. Mais si vous ne vous conformez pas aux règles de la prison, on vous envoie ici. Alcatraz a été bâti afin que les œufs pourris soient dans le même panier. Et j'ai été spécialement choisi pour faire en sorte que cette effroyable odeur n'en sorte jamais. Aucun détenu n'a réussi à s'échapper d'Alcatraz. Et il ne s'en échappera pas. Alcatraz, la prison dont on ne s'évade pas, c'est en tout cas ce que voulait la légende, jusqu'au jour de 1962 où trois prisonniers, Frank Morris et les frères Anglin, John et Clarence Anglin, sont portés disparus de leur cellule. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et aujourd'hui encore, le mystère le plus complet plane sur leur disparition. Les trois hommes auraient-ils réussi à survivre à leur évasion d'Alcatraz? Cette évasion devenue légendaire a donné lieu au film L'évadé d'Alcatraz, dont on vient d'entendre un extrait, et a peut-être aussi marqué l'arrêt de mort de la célèbre prison qui va fermer ses portes moins d'un an plus tard, en mars 1963. You're most famous for having been the man who spent the most time. Vous êtes célèbre parce que vous êtes l'homme qui a passé le plus de temps à Alcatraz. Après une longue cavale, vous avez été arrêté en 36, envoyé au rocher. Est-ce que c'était aussi impressionnant, aussi épouvantable qu'Hollywood nous l'a fait croire? Well, I personally myself thought it was one of the greatest frauds ever put off on the American public. C'est, selon moi, une des plus grandes supercheries faites au public américain d'avoir fait croire que la prison était remplie d'ennemis publics et de meurtriers. As a matter of fact, the first 35 numbers, they started with number one when they opened it in 1934. They were army prisoners left there to kind of form a nucleus for the workforce that would eventually arrive there from the various prisons. Lors de son ouverture en 1934, les 35 premiers détenus étaient des prisonniers militaires qui avaient été renvoyés de l'armée pour différents délits, comme peut-être cracher à la figure d'un officier. For various offenses, maybe spitting in the face of an officer or Mais est-ce qu'il y avait des prisonniers dangereux à Alcatraz? Well, they had their share, but not. Il y en avait, mais pas plus que dans une autre prison d'État. Le Canadien Alvin Karpus, interviewé en 1977 par Larry Solway à l'émission This Monday au réseau anglais de Radio-Canada, Alvin Karpus, surnommé Old Creepy, a passé 26 ans à Alcatraz. C'est le prisonnier à y avoir séjourné le plus longtemps. Pour nous raconter l'histoire d'Alcatraz, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est probablement, si ce n'est pas la prison la plus connue Alcatraz, l'une des prisons les plus connues dans le monde. Qu'est-ce qui fait d'Alcatraz une prison si célèbre, Karine? Bien, d'abord, son emplacement, ouais, situé sur une île éloignée dans la baie de San Francisco, des eaux froides qui l'entourent. Alors, forcément, ça rend le paysage particulier et ça rend les tentatives d'évasion, et d'invasion aussi, par ailleurs, plus compliquées. Donc, cette réputation dont on parlait, effectivement, cette prison dont on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper. Et aussi, je vous dirais, toute la construction qu'Hollywood en a fait par la suite, évidemment, où, justement, on y met les prisonniers les plus notoires, les plus endurcis, et où il y aurait des conditions de détention absolument horribles. Ouais. C'est ce qu'on rapporte à tout le moins dans les premières années. C'est vrai que ça fait partie de l'imaginaire collectif américain. Beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de littérature va tourner autour de cette mythique prison d'Alcatraz. Donc, après ce qu'on vient d'entendre, je suis curieux de vous entendre sur ce qui appartient au mythe et ce qui appartient à la réalité dans cette prison d'Alcatraz. Mais en fait, cette réputation de lieu impitoyable, de prison impitoyable, en fait, c'est pas tout à fait la réalité, dans la mesure où quand les prisonniers y arrivent, effectivement, ce sont des prisonniers qui sont indisciplinés, qui sont dangereux, mais on leur donne d'abord une cellule individuelle, ce qui est déjà pas mal mieux que ce qu'ils ont vécu dans une autre prison auparavant. Et donc, ça permet de réduire les agressions, ça permet de réduire aussi les conflits entre les prisonniers. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'Alcatraz, c'est pas une prison où il y a autant de violence que dans d'autres prisons à cette époque-là, par exemple aux États-Unis. Donc, en termes de réputation. Effectivement, le système, il est dur. Les prisonniers ont peu de privilèges, doivent les mériter. Mais les conditions de sécurité, autrement dit, à l'intérieur même de la prison, sont peut-être plus avantageuses que dans d'autres endroits. Ils sont bien protégés, voilà, entre eux, disons ça comme ça. Oui. Ça devient une prison fédérale, Alcatraz, dans les années 30, mais l'histoire d'Alcatraz comme telle remonte à bien avant, quoi, au 18e siècle? À peu près, parce que c'est une île qui a été découverte par un explorateur espagnol et qui va la nommer Alcatraz, l'île aux Pélicans, parce qu'il y en a passablement sur l'île l'île d'Alcatraz. Et ce sera en 1850 que le président américain de l'époque, M. Fillmore, va signer un décret qui autorise l'utilisation de cette île-là à des fins militaires. Alors, on va construire une prison militaire et d'abord une forteresse pour protéger San Francisco. C'est un point tout à fait exceptionnel en termes d'endroit stratégique. Et on va y construire aussi le premier phare opérationnel de la côte ouest. Alors, on va développer cet endroit-là. Et très rapidement, on va transformer cette île et ses bâtiments en prison militaire, justement en raison de sa situation géographique. Mm-hmm. Ce sera un lieu parfait pour une prison. Et dans quel contexte et pourquoi on décide au début des années 30 de faire de ce lieu-là une prison fédérale? Bien, d'abord, parce que la criminalité aux États-Unis prend des proportions avec la prohibition, par exemple, avec la mise sur pied de réseaux criminels de plus en plus organisés. Mais là, on va voir arriver un paquet de criminels très, très endurcis qui ne se réhabilitent pas, en fait, et qui trouvent toujours des moyens, en fait, d'éviter les peines. Alors, quand ils sont attrapés, on veut en faire des exemples, autrement dit. Il y a une préoccupation publique, dans l'opinion publique. Cette question de la criminalité occupe beaucoup de place et on veut envoyer un signal fort. Exactement. Il faut casser ces criminels-là. Ouais. Il faut casser le crime organisé, en fait. Et évidemment, dans le milieu politique, on a cette volonté-là. Mais pour les gens aussi, il y a une insécurité plutôt particulière qui va s'installer dans la société américaine à cette époque-là. Et la côte ouest, en particulier, là, ça brasse pas mal, mais c'est aussi la grande époque de Chicago, par exemple. Donc, on veut casser ces réseaux-là. Et à Alcatraz, on va y envoyer les criminels qui sont les plus endurcis, mm-hmm. les plus, je répète souvent ce terme-là, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, les plus indisciplinés. Et on va les envoyer là, en fait, pour les casser, pour les punir, pour les forcer à se conformer aux règles. Et ensuite, ils iront terminer leur peine dans leur prison d'origine. Donc, on n'est jamais condamné à aller à Alcatraz, mm-hmm. mais on peut y être envoyé si jamais on est trop difficile à gérer dans les prisons habituelles. Et puis encore une fois, cette espèce de message de communication politique, on va construire une super prison, fiez-vous à votre bon gouvernement fédéral, on a la situation en main. Parlons-en plus de ces conditions, ces fameuses conditions de détention à Alcatraz. Je vous propose d'écouter à nouveau un extrait du film « L'évadé d'Alcatraz » réalisé par Don Siegel en 79, film qui met en vedette Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Dans l'extrait qu'on va entendre, c'est le directeur de la prison, qui explique à Morris les règles strictes qui prévalent à Alcatraz. Si vous ne vous conformez pas aux règles de la société, on vous envoie en prison. Mais si vous ne vous conformez pas aux règles de la prison, on vous envoie ici. Alcatraz est très différente des autres prisons des États-Unis. Je n'accorde aucune remise de peine pour bonne conduite. Encore une chose, il n'y a pas de conseil de détenus. Les prisonniers ne sont pas consultés ici, ils font ce qu'on leur commande de faire, c'est tout. Il est formellement interdit de recevoir des journaux ou des hebdomadaires d'informations politiques. Dans le monde extérieur, il ne se passe que ce que nous vous en disons. À partir d'aujourd'hui, votre univers, ce sera uniquement ce qui se passe dans ce pénitencier. Vous vous raserez tous les jours. Vous prendrez une douche deux fois par semaine. On vous coupera les cheveux tous les mois. Et maintenant, vos droits. Vous pouvez parler et travailler. Ailleurs, on donne du travail à tous, mais ici, c'est un privilège qu'il faut mériter. Je vous assure que c'est un privilège que vous souhaiterez obtenir. Alcatraz offre un maximum de sécurité, mais elle offre quelques rares privilèges aussi. Nous ne formons pas de bons citoyens, mais nous formons de bons prisonniers. Vous vous êtes évadé de nombreuses prisons, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes ici. Alcatraz a été bâti afin que les œufs pourris soient dans le même panier. Et j'ai été spécialement choisi pour faire en sorte que cette effroyable odeur n'en sorte jamais. Depuis que je suis ici, des prisonniers ont tenté de s'évader. La plupart ont été repris. Ceux qui n'ont pas été se sont fait tuer ou se sont noyés dans la baie. Aucun détenu n'a réussi à s'échapper d'Alcatraz. Et il ne s'en échappera pas. À quel genre de règles et de traitements seront soumis les prisonniers d'Alcatraz, Karine Prémont? En fait, des règles très strictes, comme le dit le directeur dans cet extrait-là. Les prisonniers ont quatre droits: manger, être vêtu, avoir un toit, être soigné. Pour le reste, il faut le mériter. Oui. Alors, effectivement, quand on se conduit bien, on a le droit d'écrire des lettres, on a le droit d'en recevoir aussi, on a le droit d'avoir des visiteurs et surtout, on a le droit de travailler. On a le droit aussi de participer à différentes activités, soit aller à la bibliothèque ou apprendre la musique ou apprendre la peinture. Donc, pour avoir une vie un peu plus facile, il faut bien se conduire et c'est ça l'objectif d'Alcatraz. Les prisonniers, ils passent en moyenne 8 ans Et effectivement, c'est pour réussir à les rendre plus souples, plus dociles aux règles des prisons. Et quand tout ça est fait, bien, à ce moment-là, ils peuvent quitter. Et il y a suffisamment de gardes pour s'assurer que les prisonniers respectent bien les règles. Il y a un garde pour 3 prisonniers à Alcatraz. Il y a en moyenne à peu près 260 prisonniers à Alcatraz en tout temps. On est capable là, de s'assurer du maintien de l'ordre et de la discipline dans la prison. Il le disait, c'est une fiction ce film-là, mais ce qu'on vient d'entendre, l'extrait, mais on va faire de vous un bon prisonnier. C'est exactement, ça, c'est exactement l'objectif. Oui. Ouais. Une partie de la réputation d'Alcatraz, évidemment, vient du fait de la célébrité de certains de ses prisonniers. Tout de suite, on pense à Al Capone, qui va passer quelques années. Combien de temps, de fait, il va passer à Alcatraz? Al Capone, il sera 4 ans et demi. Et justement, il est envoyé là parce que dans toutes les autres prisons où il a été, il réussit toujours à acheter les gardiens, à obtenir de bonnes conditions de vie, à continuer à mener ses affaires. Autrement dit, comme si de rien n'était. Et c'est là où on va décider de l'envoyer à Alcatraz. Ce sera parmi les premiers prisonniers d'Alcatraz. Et ce sera impossible pour lui de maintenir ses activités criminelles. Il ne réussira pas à s'obtenir des avantages particuliers. Il devra faire comme tout le monde. Et ça va l'amener à être en conflit avec quelques prisonniers parce qu'il arrive là comme un grand seigneur. Et finalement, Alcatraz, tout le monde est pareil. Aucun privilège. C'est-à-dire pas grand-chose. Oui, c'est ça. Il sera même poignardé par un des prisonniers durant une altercation. Il va vivre là comme n'importe quel autre prisonnier, ni plus ni moins bien traité que les autres. Lui qui réussissait dans les autres prisons qu'il a fréquentées à avoir des meubles particuliers. Il faisait entrer tout, là. Cigares, meubles. Il était comme chez lui. Alcatraz, ce ne sera pas comme chez lui. Ouais. Un autre prisonnier très, très célèbre. Puis Hollywood a fait un film aussi de l'histoire de ce prisonnier-là. C'est Robert Stroud, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Birdman, l'homme aux Canaries. Donc, un beau film. En même temps, on parlait de ce qui appartient au mythe et à la réalité au début de l'émission. Ça, c'est un bel exemple. Ce qu'on présente, ce qu'Hollywood a présenté est assez loin de la réalité que va vivre Robert Stroud à Alcatraz. Oui, parce qu'en fait, dans les films hollywoodiens, on mélange deux choses. On mélange effectivement son long séjour dans une prison au Kansas. Il avait été condamné d'abord à mort pour un meurtre, puis ensuite sa peine a été commuée en prison à perpétuité par le président Wilson. Et c'est dans sa prison au Kansas où là, il va développer cette passion pour les Canaries. Il en aura jusqu'à 300 dans sa cellule. Il va d'ailleurs écrire 2 livres sur le sujet des Canaries, leur maladie, etc. Il va même réussir à concocter des médicaments pour eux. Bon, l'efficacité de ces médicaments-là, semble-t-il, n'était pas très grande, mais néanmoins, il va développer cette passion-là et on va le laisser faire jusqu'à temps qu'on découvre que le matériel qu'on lui fournit sert aussi à distiller de l'alcool. Ah bon? Et c'est là où on va dire, ça suffit, maintenant, cette passion pour les oiseaux, on va t'envoyer à Alcatraz. Et il va passer 17 ans à Alcatraz. Et sur ces 17 ans-là, il passera 11 ans à l'hôpital de la prison et 6 ans en isolement. Donc, il a très peu pu continuer cette passion des oiseaux parce qu'on ne lui permettait pas. Le Birdman, en fait, du film, c'est pas Alcatraz qu'il va se réaliser, c'est dans cette prison du Kansas. Exact. Y a d'autres criminels notoires qui vont passer par Alcatraz. Oui, ce sont presque tous des membres du crime organisé de Chicago, par exemple. Il y a Machine Gun Kelly, qui est sans doute un des prisonniers les plus célèbres, un des gangsters les plus célèbres de la période de la Prohibition, qui va être là une dizaine d'années. Il y a Roy Gardner aussi, qui est surnommé le dernier grand voleur de train, donc qui sera là aussi pendant 4 ans. Et aussi quelques membres de la bande des Barker, dont Arthur Doug Barker lui-même. Et il y aura aussi, peut-être qu'on est plus familier avec James Bulger parce qu'il y a eu un film récemment avec Johnny Depp, un film qui s'appelle Black Mass. Donc, James Bulger, qui est accusé d'avoir commis 19 meurtres, qui va passer également 3 ans à Alcatraz. Et puis, parmi tous ces prisonniers célèbres, le Canadien, Halvin Karpus, qu'on entendait au tout début de l'émission, qu'on écoute à nouveau répondre aux questions de Larry Solway à l'émission This Monday en 1977. Il est célèbre pour nous parce qu'il est Canadien, mais aussi parce que c'est lui, je le rappelle, qui détient le record de longévité, l'homme qui a passé le plus d'années à Alcatraz. Donc, on l'écoute au micro de Larry Solway. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un endroit comme Alcatraz? La solitude? Non, la solitude, c'est le moindre des problèmes. Il y avait 3 gardiens pour 2 condamnés. La chose qui m'a le plus quand je suis allé là, semblait que la plupart d'entre eux was the silence. Ce qui marque le plus quand on arrive là, c'est le silence. On vous interdit de parler dans les cellules ou à la cafétéria. C'est interdit partout, sauf dans la cour où nous allions travailler. Après, ils ont envoyé à la prison plusieurs cas limites des personnes qui auraient dû être traitées en institut psychiatrique. Vous avez passé beaucoup de temps en cellule d'isolement à Alcatraz. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, je causais des problèmes et ça paraissait bien dans les rapports qu'ils envoyaient à Washington. Were you a troublemaker in Alcatraz? Perhaps. Étiez-vous un fauteur de troubles? Peut-être. Perhaps or not. Were you, étiez-vous ou n'étiez-vous pas celui qui causait les problèmes? Yes. I was rather rebellious about some of their asinine. De temps en temps, oui, je me rébellais contre les règles. Par exemple? Ne pas passer de magazine au gars d'à côté, ne pas parler dans la salle à manger, attendre les bras croisés à la table une fois votre repas terminé. Beaucoup d'incidents comme ça. Alvin Karpis, donc, célèbre prisonnier de l'Alcatraz pour nous parce qu'il est Canadien, parce qu'il a passé là 26 ans, mais plus que ça, c'était pas un enfant de cœur non plus. Pas du tout. Il était, en fait, membre du gang des Barker aussi. Donc, c'est un criminel tout à fait assumé, tout à fait de la même lignée que les autres criminels qui sont passés par Alcatraz, évidemment. Et c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à Alcatraz parce qu'il avait de la difficulté à se conformer aux règles de la prison. L'homme le plus recherché à une certaine époque des États-Unis. On dit que c'est le directeur du FBI lui-même, J. Edgar Hoover, qui l'a attrapé à Chicago en 36. Oui, parmi, en tout cas, les mises en scène de J. Edgar Hoover, ça fait partie de celle qu'il a bien orchestrée. Revenons sur cette dimension qui a fait la légende d'Alcatraz, ce lieu dont vous nous parliez au début de l'émission, cette espèce de légende autour de l'incapacité de s'évader d'Alcatraz. Même si ça existe, là, c'est la réputation de la prison repose là-dessus, il y a quand même, au fil du temps, il y a quand même eu pas mal de tentatives d'évasion. Oui, voilà, parce que la nuance est importante. Il y a eu 14 tentatives d'évasion pendant toute la durée de la prison d'Alcatraz, qui impliquait une trentaine de prisonniers. Il y en a qui se sont essayés plusieurs fois, mais officiellement, il n'y en a aucune qui a réussi. Ouais. Parce que justement, soit on reprenait les prisonniers, on les capturait, ce qui est la majorité d'entre eux. 6 ont été tués pendant leur évasion, certains se sont noyés, d'autres ont été portés disparus, on n'a jamais retrouvé les corps. Alors ça aussi, ça fait partie du mythe, mais en même temps, il y a une part de vérité là-dedans, parce qu'il n'y a jamais personne qu'on a retrouvé de l'autre côté de la baie pour dire, ben voilà, je me suis échappé. En 46, on va assister à ce qui est probablement la plus célèbre tentative d'évasion d'Alcatraz. En fait, c'est une tentative d'évasion collective. Ça vire carrément à la mutinerie. Dans la prison d'Alcatraz, isolée sur son récif dans la baie de San Francisco, une mutinerie a éclaté. Pendant 40 heures, l'îlot que les patrouilleurs surveillaient pour en empêcher toute évasion a été le théâtre d'une véritable bataille entre révoltés et gardiens. Retranchés dans un quartier de l'immense prison, les mutins ont subi pendant près de 2 jours les attaques au fusil et à la grenade des gardiens et des policiers. Il va sans dire que tout San Francisco suivait de la côte les péripéties de ce combat sans précédent. Force est restée à la loi. Les 3 meneurs de la mutinerie, 3 gangsters endurcis, ont payé de leur vie cette tentative désespérée. Et le calme est revenu dans l'enclos du crime, où cette révolte a valu aux gardiens de l'ordre 2 morts et 17 blessés. Un calme tout de même un peu tendu. Extrait d'un film d'actualité présenté dans les cinémas français en mai 1946. Parlez-nous un petit peu de cette bataille d'Alcatraz de mai 1946, justement. Karine Prémont, qu'est-ce qui s'y passe? Mais d'abord, ça va durer 2 jours. C'est la bataille la plus violente qu'on verra à Alcatraz. Et ce sont 6 prisonniers qui vont réussir à prendre le contrôle d'à peu près 9-10 gardiens. Ils vont réussir à leur prendre leurs armes, mais pas les clés de la prison. Alors, c'est pour ça qu'une mêlée va s'en suivre, parce que les prisonniers vont tenter de sortir de la prison. Il va y avoir, évidemment, beaucoup de violence. Des gardiens seront tués. Et à partir du moment où 2 gardiens seront tués et 10 d'autres blessés, le directeur de la prison va faire appel aux Marines pour venir rétablir le calme. Et comme on l'a entendu dans l'extrait, 6 des instigateurs seront tués, dont le leader. Les 3 autres seront inculpés et certains seront condamnés à mort. Alors, mais pendant 2 jours, c'était l'émeute. C'était une situation extrêmement complexe, parce qu'on craignait qu'ils ne réussissent à s'échapper et en entraîner, évidemment, d'autres avec eux. On boucle la boucle en revenant sur ce qui est peut-être la seule, puis encore un mystère, mais la seule évasion réussie dans l'histoire d'Alcatraz, celle de Frank Morris et des frères Hanglin en juin 1962. Comment ils réussissent leur coup? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est tout à fait spectaculaire, parce que ce qu'ils réussissent à faire, d'abord, c'est pendant très longtemps de préparer leur coup. Alors, ce qu'on va découvrir le fameux matin du 11 juin 1962, ce sont les gardiens qui vont arriver à la cellule des 3 prisonniers, qui vont remarquer qu'ils dorment encore. Alors, en tentant de les réveiller, on se rend compte que ce sont des têtes en papier mâché, autrement dit des reproductions de la tête des prisonniers qui sont dans les lits. Alors, ce que ça veut dire que les prisonniers ont déjà une longueur d'avance. Et là, on réalise qu'ils ont creusé les murs de leurs cellules patiemment, jour après jour, en évacuant le gravier dans la cour de la prison en marchant comme ça pendant des mois, vraisemblablement à coups de petite cuillère. Ouais. Et ils ont utilisé la ventilation, la climatisation pour sortir de la prison. Et une fois à l'extérieur, ils ont utilisé des radeaux qu'ils ont confectionnés avec des imperméables de la prison, une cinquantaine d'imperméables de la prison. Et c'était tout à fait planifié et bien orchestré. Mais on n'a pas retrouvé... On a retrouvé des effets personnels, notamment des frères Englin. On a retrouvé aussi une veste de sauvetage. Mais on n'a jamais retrouvé les corps en tant que tels. Quelques jours plus tard, on a effectivement trouvé un cadavre qui portait des habits bleus de prison, mais le corps était suffisamment endommagé pour que ce soit impossible de l'identifier. Alors, on a présumé que c'était peut-être un des trois prisonniers, mais les deux autres n'ont jamais été retrouvés. Donc, le mystère plane toujours. Le mystère persiste, mais on ne les a jamais vus de l'autre côté non plus. Oui. Donc, ils se sont évanouis dans la nature ou ils sont morts, plus vraisemblablement, dans la baie. Et l'année suivante, moins d'un an plus tard, en fait, en mars 63, on décide de fermer cette prison-là. Pourquoi? Puis je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a un lien avec l'évasion de 62. Mais d'abord, le procureur général Robert Kennedy va fermer cette prison-là en mars 63 en évoquant deux raisons qui sont tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire les coûts d'opération qui étaient largement supérieurs aux autres prisons parce qu'il faut réaliser que sur une île, bien, il faut que les gardiens y résident, en tout cas en bonne partie. Il faut loger tous ces gens-là, il faut nourrir les gens aussi et il faut toujours faire transporter les choses par bateau. Alors, les coûts d'opération sont effectivement plutôt élevés. Et les installations sont désuètes aussi. C'est une prison qui existe depuis les années 1800. Alors, forcément, on a beau la rénover, mais les fonds commence à avoir besoin de réparations importantes. Il faut dire que l'air salin aussi endommage particulièrement les bâtiments. Donc, ce sont les raisons qu'on a évoquées. Oui. Mais clairement, cette évasion de 1962 va éroder cette réputation qu'a Alcatraz, oui. Parce que clairement, si des gens peuvent se rendre aussi loin, bien, peut-être que les prochains vont réussir à traverser de façon claire. Là. Alors, on craint cet engouement pour les tentatives d'évasion, oui. On craint pour la réputation de la prison. La prison ferme donc en 63. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'il est devenu ce lieu-là? Qu'est-ce qui est devenu cette prison aujourd'hui? Ce lieu a été intégré au parc du Golden Gate à San Francisco. C'est le lieu touristique le plus important de la ville. Donc, depuis 1973, les gens peuvent visiter la prison et on attire environ 2 millions de personnes là, par année pour visiter Alcatraz et le Golden Gate. Alors, c'est un lieu aujourd'hui qui fait partie du paysage de San Francisco. Passage obligé quand on est à San Francisco. Karine Prémont, comme toujours, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.